Au Japon, s'est déroulé le 3 dans un théâtre à Yokohama du département de Kanagawa, Japon, un drame représentant le massacre des Coréens commis par les impérialistes japonais lors du grand tremblement de terre de Kanto, apprend-on d'après le journal sud-coréen Une Nation. Le japonais qui a écrit le scénario et mis en scène a dit qu'il veut que la nouvelle génération japonaise sache correctement la vérité du massacre commis par les impérialistes japonais et qu'il a consulté le journal de son père et des archives.